Ici, le cheikh, il mentionne ces paroles de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Il dit, c'est une permission d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là pour les musulmans. Et c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala enlève d'un commandement qui était au début de l'islam. C'est-à-dire qu'au début, lorsqu'il y avait l'obligation du jeûne, une personne, par exemple, quand il brisait le jeûne après le coucher de soleil, c'était pas permis pour lui de manger ou de boire ou d'avoir des rapports sexuels, excepté jusqu'à la prière de Isha. Ou bien s'il dormait avant ça, c'est-à-dire après le Maghreb, et qu'il se réveillait pour l'Isha, et bien là c'était fini, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas boire, puis il ne pouvait pas avoir des rapports sexuels jusqu'à la nuit suivante. Alors, lorsque quelqu'un, par exemple, dormait ou bien qu'il priait la prière de Isha, après l'Isha, il ne pouvait plus rien manger ni boire jusqu'à la nuit suivante. Et donc, le cheikh, il dit que les gens avaient trouvé beaucoup de difficultés dans ça. Parce qu'ils avaient juste entre le Maghreb et l'Isha pour manger, pour toute la journée, yani même la nuit. Ils ne pouvaient pas manger le reste de la nuit, ni avoir des rapports sexuels ou boire. Donc, c'était très difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc a fait descendre ce verset-là par la suite pour dire que c'était permis de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels durant toute la nuit, non seulement entre le Maghrib et l'Isha. Et donc les gens, quand ils ont eu cette permission-là, eh bien ils se sont réjouis et ils étaient très heureux de ça. Et donc ils ont eu la permission de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels durant la nuit comme ils voulaient, jusqu'à ce que la ligne de l'aube se distingue de l'obscurité de la nuit. Hein. Donc c'est ça l'explication au sujet de ce verset. فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية فبدايته من طلوع الفجر الثاني ونهايته إلى غروب الشمس وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Le cheikh il dit donc que ces deux versets-là, ce verset, donc d'après ce verset, on voit que c'est clair que le début et la fin du jeûne, pardon, je m'excuse, le début et la fin du jeûne pour une journée est déterminé et bien spécifié et clarifié. Ça commence à partir de l'aube, le deuxième aube, pas le premier comme on a expliqué la dernière fois, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que le soleil se couche à l'horizon. Et le cheikh il dit, et donc le cheikh il dit que dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a permis de manger et de boire jusqu'au lever de l'aube, il y a une preuve que c'est recommandé de faire as-suhur. Et il mentionne un verset qui est rapporté dans as-sahihain, dans al-Bukhari et Muslim, qui selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: faites le suhur parce qu'il y a dans le suhur une baraka. C'est-à-dire le suhur, c'est le repas que tu manges avant de commencer ton jeûne, c'est-à-dire avant l'aube. Donc, ce repas-là que tu prends avant l'aube, eh ben, ça s'appelle en arabe suhur. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a incité de prendre ce suhur. Et il a dit qu'il y a une bénédiction dans le fait de faire ça. Et dans d'autres hadiths, il y a l'explication que c'est une distinction entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre. Après le cheikh il dit wa qad warada fi at-targhib bi as-suhur athar kathira wa law bi jur'at ma wa yustahab ta'khiruhu ila waqt infijar al-fajr wa law istayqadha al-insan wa alayhi janaba aw tahurat al-ha'id qabla tulu' al-fajr فإنهم يبدأون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى طلوع الفجر. Le cheikh il dit, et il y a beaucoup de narrations et de hadiths qui ont été mentionnés pour inciter et montrer le bienfait de prendre un suhour avant de commencer le jeûne. Même, c'est-à-dire avant l'aube, même avec une gorgée d'eau, hein, ça c'est quelque chose qui a été mentionné. Et que c'est recommandé de retarder le suhoor jusqu'au temps où l'aube yani, apparaît, c'est-à-dire jusqu'au temps où débute l'aube, le lever de l'aube. Et si quelqu'un, supposons que quelqu'un, le cheikh dit, supposons que quelqu'un s'est réveillé et qu'il est en état d'impureté majeure par rapport à des relations sexuelles ou bien par rapport à la femme par exemple qui se lève et elle remarque que ses menstruations sont terminées, hein, juste avant l'aube. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va se laver en premier tout de suite puis après elle va faire la prière de Fajr? Ou bien elle commence par briser le jeûne, elle commence par faire le suhoor. Le cheikh il dit elle commence par faire le suhoor, c'est-à-dire si quelqu'un se lève avec une janaba ou une femme se lève avec janaba, ou bien janaba c'est-à-dire qu'elle a eu des rapports sexuels, elle est en état d'impureté à cause de ça, ou bien que la femme elle avait ses menstruations puis elle se réveille avant l'aube. Puis elle remarque que ses menstruations sont terminées. Donc elle va faire son suhoor en premier pour manger un peu avant le lever de l'aube. Et la même chose pour l'homme, l'homme qui est en janaba ou la femme qui est en janaba, il mange le suhoor, il prend un suhoor en premier. Puis après avoir fait ça, il va aller se laver pour faire le ghusl pour pouvoir faire la prière. Mais il ne fait pas le ghusl en premier, puis il abandonne le suhoor. Donc ça veut dire qu'il fait le suhoor, il va se laver, puis il se prépare pour la prière de Fajr. Il va se laver, puis il sort pour la prière de Fajr. Après le cheikh il dit, « وَبَعْضُ النَّاسِ يُبَكِّرُونَ بِالتَّسَحُرِ لِأَنَّهُمْ يَسْهَرُونَ مُعْظَمَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَتَسَحَّرُونَ وَيَنَامُونَ قبل الفجر بساعات فهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء. أولا لأنهم صاموا قبل وقت الصيام. ثانيا يتركون صلاة الفجر مع الجماعة فيعصون الله بترك ما أوجب الله عليهم من صلاة الجماعة. ثالثا ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع الفجر وهذا أشد جرما وأعظم إثما. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيامه صحيح تام إن شاء الله. للشيخ الذي كإن يدي جاكي prennent leur suhoor très tôt, c'est-à-dire ils prennent leur suhoor au début de la nuit ou bien disons lorsqu'ils restent debout toute la nuit. Il y en a des gens comme ça, ou bien la plus grande partie de la nuit ils restent debout, et ça on voit ça surtout dans les pays musulmans. Des gens ils restent debout durant la nuit à faire des choses des fois même qui ne sont pas permises dans l'islam, c'est-à-dire ils restent debout à regarder la télévision ou faire toutes sortes d'autres choses, et yani, ils perdent leur temps. Et par la suite, quand arrive l'heure où il commence à être tard, disons peut-être des fois il va être jusqu'à 3 heures du matin ou quelque chose comme ça, il commence à être fatigué. Donc hein, ils disent bon, avant d'aller me coucher je vais manger un peu, je vais boire, et là ils se couchent et ils font donc leur suhur avant que ce soit le temps le plus proche possible de l'aube, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité de faire. Il nous a demandé de retarder le suhur le plus proche possible de l'aube. Okay? Donc eux, ils ne font pas ça. Ils retardent pas le suhur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le prennent tout de suite avant de se coucher, parce que ils n'ont pas l'intention de se lever avant l'aube pour manger le suhur. Et le cheikh, il dit que ceux qui font ça, ils ont commis plusieurs erreurs. La première erreur, c'est qu'ils ont commencé leur jeûne avant le temps. Ils ont commencé leur jeûne avant le temps parce qu'ils se sont pas levés pour le suhur. Deuxièmement, ils abandonnent la prière de Fajr avec la jama'a. Donc ils désobéissent à Allah en abandonnant ce qui est obligatoire pour eux comme obligation de prier en groupe. Et troisièmement, ils retardent parfois même la prière de Fajr et ils la prient uniquement après le lever du soleil. Et ça, c'est encore plus grave comme péché. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 4 et 5 dans sourate Al-Ma'un, il dit fawailun lil musallin, malheur à ceux qui prient et qui sont négligents dans ou insouciants dans leur prière. Donc ils négligent l'importance de leur prière. Donc ça, c'est une menace pour ce genre de personnes. Et le cheikh ensuite, il dit wala budda an yanwi as-siyam al-wajib min al-layl, lorsque tu fais le jeûne, il faut que tu aies l'intention la nuit. Quand c'est la nuit, tu dois avoir l'intention de faire le jeûne le lendemain. Donc, si tu as l'intention de jeûner, puis par exemple tu t'es couché, puis tu t'es pas réveillé à temps pour le suhur, et que tu t'es levé par la suite, ton jeûne il est valable. C'est-à-dire quand tu commences, quand tu te lèves après l'aube, puis que t'as pas eu le temps de faire le suhur, mais ton jeûne il est correct, tu continues à jeûner même si tu t'es pas levé pour le suhur parce que tu avais l'intention de jeûner. Donc ça, c'est l'explication à ce sujet-là. Après, il dit wa yustahab ta'jil al-iftar idha tahaqqaqa ghurub ash-shams bi mushahadatiha aw ghalaba 'ala dhannihi bi khabar thiqah بأذان أو غيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. Le cheikh, il dit que c'est recommandé de faire le iftar, c'est-à-dire de manger après le coucher du soleil, le plus tôt possible. C'est-à-dire il faut le faire le plus vite possible après le coucher du soleil. Et on peut confirmer le coucher du soleil, soit parce qu'on l'a vu nous-mêmes, on a été témoin du coucher du soleil, ou bien que c'est yani ghalaba ala dhanni, c'est-à-dire que disons que quelqu'un te yani, c'est-à-dire tu es presque certain que c'est le coucher de soleil, soit parce que tu as l'information qui est venue d'une personne fiable comme par le adhan ou autre moyen, comme par exemple le adhan, ou bien d'autres exemples comme par exemple l'heure. Tu peux regarder si tu sais à quelle heure le soleil se couche ou des choses de ce genre. Donc dans ce cas-là, tu peux briser ton jeûne. Le chef, il mentionne une parole qui est rapportée par l'imam al-Bukhari muslim selon Sahl ibn Sa'd, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens continueront toujours à être bien tant qu'ils vont précipiter le déjeuner, ou bien le fait de briser le jeûne. Ils vont le faire le plus tôt possible. Et il mentionne une autre citation, une autre hadith, فِمَّا يَرْوِهِ عَنْ رَبِّهِ, c'est un hadith Qudsi qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi selon Abi Huraira. Et c'est le hadith 699 dans al-Tirmidhi qui dit إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ, les serviteurs que j'aime le plus sont ceux qui font leur fitr le plus tôt, qui brisent le jeûne le plus tôt. Et ça, c'est un hadith, toutefois, j'ai pas vérifié s'il est sahih ou non dans At-Tirmidhi. Mais c'est le hadith 699. Ok. Après, le cheikh, il dit, وَالسُنَّةَ أَنْ يُفْتِرْ عَلَى رُطَبْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى تَمَرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى مَا لِقَوْلِ أَنَسْ رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء رواه أحمد وأبو داود والترمذي فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب. Le cheikh, il dit que la sunna, dans la sunna, il doit briser le jeûne avec des rutab. Un rutab, c'est quoi? C'est des dattes, mais des dattes fraîches. Dans le sens que, des dattes qui n'ont pas encore été séchées. Parce qu'en fait, en arabe, le mot tamar, c'est la date lorsqu'elle est devenue sèche. Rutab, c'est le fruit, quand il est dans l'arbre, il est encore frais. Il n'a pas été séché encore. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre rotab et tamar. Donc, la sunna, c'est avec un rotab. Et s'il n'en a pas, il prend des tamar, c'est-à-dire il prend des dattes. Et s'il n'en a pas, il boit un peu d'eau. Et ça, c'est rapporté selon Anas, radiallahu anhu, par l'imam Ahmad, al-Tirmidhi et Abu Daoud. Et c'est un hadith Hassan qui est déclaré Hassan par le Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil, le hadith 922. Et qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam brisait son jeûne avant de prier le Fajr, soit avec des rutab, pardon, il brisait son jeûne après la prière de Maghreb, avant de faire la salat de Maghreb, il brisait son jeûne avec des rutab. Et s'il n'avait pas de rotab, avec des dattes, et s'il n'avait pas de dattes, avec quelques gorgées d'eau. Donc ça, c'est un exemple. Et le cheikh, il dit que si tu trouves ni des dattes, ni des rotab, ni des dattes, ni de l'eau, dans ce cas-là, tu peux briser ton jeûne avec ce que tu trouves de breuvage ou de nourriture ou de breuvage. Soit du jus ou bien du lait ou bien d'autres nourritures, n'importe quoi que comme nourriture. Après le cheikh dit wa huna amrun yajib at-tanbih alayhi wa huwa anna ba'd an-nas qad yajlis ala ma'idat iftarih wa yata'ashsha wa yatruk salat al-maghrib ma'a al-jama'a fi al-masjid fayartakib bidhalika khata'an 'aziman wa huwa at-ta'akhur 'an al-jama'a fi al-masjid ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك. Le cheikh il dit que il faut prendre note ou attention d'un point très important la chose importante qu'il faut faire attention, c'est que certaines personnes, parfois, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils s'assoient pour briser le jeûne, et ils s'assoient devant la table avec le repas qui est déjà prêt, et ils commencent à manger le repas, et ils ne font pas la prière de Maghreb en groupe. Donc, le cheikh, il dit qu'ils font une grave erreur du fait qu'ils retardent la prière en groupe à la mosquée. Et donc, ils perdent en négligeant la prière en groupe de grandes récompenses, c'est-à-dire ils négligent de grandes récompenses qu'ils auraient pu avoir, et ils se mettent sous, la menace d'une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir abandonné ce qui est obligatoire. Et donc ils disent ce qui est demandé à la personne qui jeûne, c'est de briser son jeûne en premier, hein, et par la suite il va faire la salat, puis quand il revient il prend son souper, hein, il prend son repas, il ne mange pas avant, puis il abandonne la prière en groupe. Cheikh dit wa yustahabu an yad'u 'inda iftarihi bima ahab qala sallallahu alayhi wa sallam inna lis-sa'im 'inda fitrihi دعوة ما ترد ومن الدعاء الوارد أن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وهكذا للصائم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله فإن ذلك من أهم الأمور قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Donc le cheikh il termine ce chapitre en disant qu'il est recommandé pour la personne qui brise son jeûne de faire des du'as au moment où il brise son jeûne, et il fait un du'a et il demande ce qu'il veut. Le cheikh il mentionne des hadiths, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il mentionne ça, c'est rapporté par Ibn Majah selon Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr par Ibn Majah, il dit que le jeûne, celui qui jeûne, lorsque celui qui jeûne brise son jeûne, il a une invocation qui n'est pas rejetée ou qui n'est pas refusée, en voulant dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne refuse pas ou ne rejette pas l'invocation du jeûneur lorsqu'il brise son jeûne. Toutefois, ça c'est un hadith qui est daïf. Il est mentionné daïf par Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil, et c'est le hadith 921. Et également, il y a un autre hadith qui est mentionné qui parle d'un dua qui dit Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart. Oh Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné et c'est avec ton risque que j'ai brisé mon jeûne. Ce hadith-là également est rapporté par Abu Dawood selon Mu'adh ibn Zahra Mursalan, et donc il est daïf. Et il y a un autre hadith que le cheikh a mentionné, c'est un dua qui dit ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ça c'est un hadith rapporté par Abu Dawood selon Ibn Umar, et celui-là il est déclaré Hassan par Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil, c'est le hadith 920. L'autre avant il était daif, comme j'avais dit, c'est le hadith 919. Et celui ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, ثبت الأجر إن شاء الله, ça c'est Hassan et c'est le hadith 920 dans Irwa Al-Ghalil. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la soif est partie. وابتلت العروق. العروق c'est les nerfs ou les veines. Oui, c'est ça. Donc les veines sont remplies ou quelque chose comme ça. وابتلت العروق. Et la récompense est établie, inshallah. Donc ça c'est à peu près la signification. Et le cheikh dit وَهَكَذَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ. Donc le musulman, c'est ainsi qu'il doit apprendre les règles du jeûne et les règles du moment pour briser le jeûne, comment il doit briser son jeûne et à quel moment, pour qu'il puisse faire son jeûne de la meilleure façon qui a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala et qui est en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et pour que son jeûne soit valable et que ses actions soient acceptées pour Allah, par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est une des choses les plus importantes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 21 dans sourate Al-Ahzab, il y a certes pour vous en l'exemple du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un exemple excellent pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui se rappelle d'Allah constamment. Donc ça c'est pour ce chapitre, et on va lire maintenant un autre chapitre, Bab Mufsidat As-Sawm, c'est-à-dire les choses qui annulent le jeûne d'une personne. Et le cheikh il dit للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها ويحذر منها لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه وهذه المفطرات منها الأول الجماع فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جمع فيه ويجب عليه مع قضائه الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فبأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي فعليه أن يطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. Le cheikh il dit qu'il y a des choses qui annulent le jeûne, et donc le musulman, c'est obligatoire pour lui de les connaître, de connaître ces choses-là qui annulent le jeûne, pour qu'il puisse s'en écarter et qu'il prenne garde de ces choses-là, parce qu'elles font, disons, briser le jeûne d'une personne. Et donc, elles vont annuler son jeûne. Et donc, parmi ces choses-là, il y a premièrement al-jima, c'est-à-dire les rapports sexuels, hein, les relations sexuelles. Donc, du moment où il y a une relation sexuelle, un homme a une relation sexuelle avec sa femme ou une femme avec son mari, dans ce cas-là, du moment que ça arrive, il faut que il reprenne le jour qu'il a manqué, et en plus il doit payer une expiation ou faire une expiation pour réparer le fait d'avoir eu des rapports sexuels durant le jour pendant le Ramadan. Al-kafara pour ça, ou l'expiation pour ça, c'est quoi? Premièrement, soit de libérer un esclave. Donc, s'il a un esclave, il doit faire libérer cet esclave. Ou bien, s'il ne trouve pas d'esclave, ou bien il ne trouve pas la valeur, le prix d'un esclave, dans ce cas-là, il doit jeûner 2 mois consécutifs. S'il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs parce qu'il n'est pas capable de le faire pour une excuse légale valable, dans ce cas-là, il doit nourrir 60 pauvres et il doit donner à chaque pauvre comme quantité de nourriture la moitié d'une sa de ta'am. Et on a dit que sa, c'était 4 poignées de main collée, hein, de nourriture, de qu'est-ce qui est mangé dans là où il vit. Et donc la moitié d'une sa', c'est 2 poignées de nourriture, parce qu'une sa', c'est 4, donc la moitié de ça c'est 2. Donc il doit donner à chacun de ces pauvres là une moitié d'une sa' de nourriture. Donc ça c'est pour la punition, ou bien pas la punition mais l'expiation pour une personne qui a brisé le jeûne. Hein, en plus de reprendre le jeûne qu'il a manqué, il doit faire ça pour expier ses péchés. Deuxièmement, inzalul mani bi sabab taqbil aw lamsin aw istimna أو تكرار نظر فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه وعليه القضاء فقط دون كفارة لأن الكفارة تختص بالجماع والنائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح لأن ذلك وقع بدون اختياره ولكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة. Donc le cheikh il dit que s'il y a une éjaculation de sperme, dans ce moment-là, il dit si par exemple il y a une éjaculation de sperme à cause du fait que par exemple il a embrassé sa femme ou bien qu'il a touché à ses parties génitales ou bien soit par exemple il s'est masturbé ou il a plusieurs fois regarder une chose qui l'a excité et donc ça l'a amené à avoir une éjaculation, dans ce cas-là, son jeûne a été annulé et il doit reprendre ce jour-là qu'il a manqué. Toutefois, il n'a pas à payer d'expiation. Il doit juste reprendre le jour qu'il a manqué parce que l'expiation, c'est uniquement pour avoir eu des rapports sexuels. Quand on parle de rapports sexuels, c'est-à-dire la pénétration, pas n'importe quel juste rapport sexuel, n'importe lequel. Donc si c'était pour les exemples qu'on a mentionnés, dans ce cas-là, il doit reprendre le jour qu'il a manqué. Toutefois, si par exemple quelqu'un est en train de dormir, puis durant son sommeil, il a une éjaculation à cause d'un rêve ou quelque chose comme ça, et qu'il se réveille et qu'il voit qu'il a eu une éjaculation, dans ce cas-là, il n'a pas rien à faire. Et il n'a pas à reprendre le jour qu'il a ce jour-là parce que c'est arrivé sans sa volonté, en dehors de son contrôle. Et donc, dans ce cas-là, il n'a pas besoin de reprendre ce jour-là. Tout ce qu'il a à faire, c'est de se laver de la janaba, de se laver de l'état d'impureté majeure. Ensuite, le cheikh il dit al-aklu aw ash-shurb muta'ammidan. Donc une autre chose qui annule le jeûne d'une personne, c'est si il mange ou il boit volontairement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 187 dans sourate Al-Baqara qu'on a mentionné au début du cours, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Donc on a dit dans ce verset-là, et mangez, buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer la ligne blanche de la ligne noire à l'aube, de l'aube, et ensuite continuez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc ça c'est une chose qui annule le jeûne, de manger ou de boire. Et le cheikh il dit en ce qui concerne amma man akala wa shariba nasiyan fa in dhalika la yu'athiru ala siyami fa wa fil hadith man nasa aw man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw sharib falyutim sawmahu فإنما أطعمه الله وسقاه. Ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le cheikh il dit à ce sujet-là, il dit celui qui a bu ou qui a mangé ou qui a bu par oubli, alors ça ne vient pas annuler son jeûne. Ça n'annule pas son jeûne et ça n'a aucun effet sur son jeûne parce que il a bu et mangé, mais il n'a pas fait ça volontairement, il l'a fait par oubli. Et il mentionne le hadith qui est apporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, qui dit celui qui a oublié et qui a mangé ou bu par oubli, alors qu'il continue son jeûne, parce que c'est uniquement Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Donc c'est comme si, en fait, c'était Allah qui lui avait donner cette nourriture-là et cette, ce breuvage. Et ça, souvent, ça arrive des fois, par exemple, pendant les premiers jours de, pendant les premiers jours du jeûne, par oubli. Mais bon, c'est surtout quand on commence, soit le premier jour ou le deuxième, des fois, on n'est pas encore habitué, donc on boit ou on mange quelque chose sans faire exprès, puis après, on se rappelle qu'on est en train de jeûner, on dit « Ah, c'est vrai, je... » Bon, dans des cas comme ça, t'as pas besoin, c'est-à-dire, tu continues ton jeûne. Si tu t'es rappelé après avoir mangé, dans ce cas-là, tu dis « Bon, ça y est, j'avais oublié, donc tu continues ton jeûne et puis t'as pas besoin de reprendre ce jour-là. » Toutefois, si t'es en train de manger, t'as la nourriture ou le breuvage dans ta bouche, t'es en train de le manger, puis là, tu te souviens que tu jeûnes. Donc, qu'est-ce que tu as avalé? Ça y est, c'est parti. Et qu'est-ce qui est dans ta bouche? Ben, tu le jettes. Tu le sors de ta bouche. Et le chef, il dit ensuite, وَمِمَّا يُفْتِرُ الصَّائِمُ إِصَالُ الْمَا وَنَحْوِهِ إِلَى الْجَوْفِ عَنْ طَرِيقِ الْأَنْفِ وَهُوَ مَا يُسَمَّ بِالسُّعُودِ وَأَخْذَ الْمُغَذِّي عَنْ طَرِيقِ الْوَرِيدِ وَحُقْنُ الدَّمِ في الصائم وكل ذلك يفسد صومه لأنه تغذية له ومن ذلك أيضا حقن الصائم بالإبر المغذية فإنها تقوم مقام الطعام وذلك يفسد الصوم أو يفسد الصيام أما الإبر غير المغذية فينبغي للصائم أيضا أن يتجنبها محافظة أو محافظة على صيامه لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ويؤخرها إلى الليل. Le cheikh il dit aussi parmi les choses qui brisent le jeûne d'une personne de faire rentrer de la nourriture, de l'eau ou de la nourriture par jusque dans l'estomac par le nez. ça arrive des fois. Et le cheikh il dit que ça c'est quelque chose qui annule le jeûne. Il dit aussi de prendre des nutriments par les veines. Soit par y a un vaccin ou par exemple une injection de sang ou d'autres choses de ce genre, ça nourrit, donc ça annule le jeûne. Le cheikh il dit aussi des fois il y a des gens qui sont à l'hôpital, ils vont prendre un saluté ou quelque chose comme ça. Ils vont se faire nourrir par voie intraveineuse, donc ça c'est quelque chose qui aussi annule le jeûne. Et le cheikh il dit aussi que si quelqu'un par exemple reçoit une injection ou une piqûre ou quelque chose comme ça, dans ce cas-là ça aussi ça brise le jeûne, même si c'est pas dans le but de nourrir, même si c'est pas dans le but de nourrir. Il dit que c'est mieux d'éviter. Pourquoi? Parce que le prophète a dit « Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk ». Donc, c'est mieux d'éviter. Le cheikh il dit ensuite « Wa ikhraju d-dam min al-badan » Faire sortir le sang du corps. Si par exemple, quelqu'un par exemple est à l'hôpital hospitalisé parce qu'il est malade et qu'il prend des médicaments par les veines, mais dans ce cas-là, il est excusé parce qu'il n'est pas obligé de jeûner quand il est malade. Donc, il peut briser son jeûne. Mais ça, c'est dans le cas où quelqu'un, par exemple, il a rendez-vous au médecin pour aller prendre un vaccin ou quelque chose comme ça durant le jour et il n'est pas malade ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, il essaie de prendre le rendez-vous pour que ça tombe après le coucher de soleil, pour comme ça qu'il n'ait pas besoin de briser son jeûne à cause de ça. Après le cheikh il dit wa ikhraju ad-dam min al-badan bi hijama aw fahd أو صحب دم ليتبرع به لإسعاف لإسعاف مريض فيفطر بذلك كله. أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل فهذا لا يؤثر على الصيام، وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن ونحو ذلك لا يؤثر في الصيام أو على الصيام. Le Cheikh il dit que de prendre du sang, de prendre une prise de sang, ça c'est quelque chose qui... il dit par exemple de prendre du sang comme al-hijama. Al-hijama, c'est ce qu'on appelle en anglais cupping, ou bien en français, je ne sais pas, faire une saignée, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est comme on fait dans, certains, dans les pays musulmans, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, quelqu'un va prendre, va faire des petites coupures ou des petits points avec une lame ou bien une aiguille, mais c'est vraiment miniature, hein, c'est-à-dire on le voit presque pas, des petites coupures comme ça ou des petites piqûres. Puis il prend un bocal. Il met du feu dedans pour enlever l'air qui est dedans, puis il le colle à certains endroits dans le corps, soit dans le bas du dos ou bien dans la nuque, ou bien des fois c'est sur la tête ou différents endroits du corps, et ça c'est pour faire sortir le mauvais sang, et c'est une des sunnah, hein. C'est une façon, c'est comme un genre de traitement, c'est médical. Et c'est ça, c'est pour faire sortir le mauvais sang. Et ça, on appelle en arabe hijama. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui va aller faire un don de sang j'allais dire la croix rouge, mais dans les pays musulmans, ils ont le croissant rouge. Donc, c'est ça. Donc, pour donner du sang pour aider les gens quand ils ont des problèmes pour transfusion, ils vont faire des transfusions avec le sang. Donc, il dit, si tu vas faire ça, ça va annuler ton jeûne. Le cheikh, il dit que ça va annuler ton jeûne. Mais si tu fais sortir juste un petit peu de sang, juste pour une analyse sanguine, ça, il dit que ça dérange pas. Ça brise pas ton jeûne. Si tu vas faire une prise de sang, juste pour faire une analyse, ça annule pas ton jeûne. Il dit aussi de faire que si quelqu'un perd un petit peu de sang, comme par exemple un saignement de nez ou bien une petite blessure ou bien quelqu'un qui se fait arracher une dent, il dit ça non plus, ça n'annule pas ton jeûne. Ok. Cinquièmement, le cheikh il dit وَمِنَ الْمُفْتِرَاتِ التَّقَيُّؤ وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا، فهذا يفطر به الصائم أو يفطر به الصائم. أما إذا غلبه القيء خرج بدون اختياره فلا يؤثر على صيامه، لأن لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. Donc le cheikh il dit ومعنى ذرعه القيء أي خرج بدون اختياره، ومعنى قوله استقى أي تعمد القيء. Le cheikh il dit parmi les choses aussi qui brisent le jeûne, il y a le fait de se faire vomir soi-même. Donc, si tu fais sortir qu'est-ce qu'il y a dans ton estomac de nourriture par la bouche, donc si tu fais ça intentionnellement, ça brise ton jeûne. Toutefois, si tu vomis par exemple sans que tu, disons, le choisis, sans que tu l'aies voulu, eh ben dans ce cas-là, ça n'annule pas ton jeûne. C'est-à-dire, si tu vomis sans sans ton contrôle. C'est pas toi qui t'es fait vomir toi-même. Dans ce cas-là, ton jeûne, il est correct. Et le cheikh, il mentionne un hadith qui est rapporté par Abu Dawood et At-Tirmidhi et Ibn Majah selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Et c'est un hadith sahih qui est dans Irwa al-Ghalil. Il est déclaré sahih par Cheikh al-Albani. C'est le hadith 923. Et ce hadith-là, il dit que si quelqu'un a vomi, dans ce cas-là, il n'a pas rien à faire. Donc, il n'a pas à reprendre ce jour-là si il a vomi involontairement. Toutefois, si il s'est fait vomir lui-même intentionnellement et volontairement, dans ce cas-là, il doit reprendre ce jour qu'il a manqué à cause de ça. Après, le cheikh il dit: وينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال ومداوات العينين بقطرة أو بقطرة أو بغيرها وقت الصيام محافظة على صيامه. Le cheikh il dit que le musulman il doit s'écarter durant le jeûne d'utiliser le kuh dans ses yeux, ou bien de mettre des gouttes dans ses yeux ou d'autres choses dans ses yeux durant le jeûne pour éviter de disons, pour garder, pour préserver son jeûne, pour éviter de briser son jeûne. Après il dit ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه. Donc le cheikh il dit قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. OK. Donc le cheikh il dit que il faut pas non plus exagérer dans il faut pas mettre trop d'eau quand tu fais al-madmada et al-istinshaq, c'est-à-dire quand tu mets de l'eau dans ta bouche et quand tu mets de l'eau dans ton nez pendant le wudu, il faut pas mettre trop d'eau pour pas que l'eau rentre dans ta bouche ou dans ton nez puis que ça descende dans ton estomac. Ça c'est mentionné dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Je pense qu'il est authentique, mais je suis pas sûr. Je pensais que c'était Al-Bukhari Muslim, mais non, c'est Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Mais bon, je l'ai déjà entendu ce hadith et je pense qu'il est authentique, mais c'est rapporté selon Laqit Ibn Sabura. D'accord. Et dans ce hadith-là, qu'est-ce qu'il est mentionné? Il est mentionné de faire le al-madmada et al-istinshaq et de mettre beaucoup d'eau, excepté si tu es en train de faire le jeûne. Dans le cas où tu es en train de faire le jeûne, dans ce cas-là, tu dois pas mettre trop d'eau. Le cheikh il dit: والسواك لا يؤثر على الصيام بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح. Cheikh il dit que de prendre le miswak, ça n'a pas d'effet sur le jeûne, et bien au contraire, c'est quelque chose de recommandé et quelque chose d'encouragé pour quelqu'un qui jeûne, de l'utiliser soit au début du jour ou à la fin du jour. Après le cheikh il dit ولو طار في حلقه غبار او ذباب لم يؤثر على صيامه. Le cheikh il dit que si, supposons que pendant que tu jeûnes, il y a de la poussière qui rentre dans ta gorge, ou bien il y a une mouche qui rentre dans ta gorge et que tu l'avales, il y en a sans faire exprès, ben ça annule pas ton jeûne. Le cheikh il dit ويجب على الصائم اجتناب كذب اجتناب كذب وغيبة وشتم اجتناب كذب وغيبة وشتم وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب ولكن لا يسهل عليه ترك ما اعتداه من الأقوال والأفعال الرديئة. ولهذا قال بعض السلف أهون الصيام ترك الطعام والشراب، فعلى المسلم أن يتقي الله ويخاف ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال، فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات ليكون صيامه صحيحا. للشيخ الزي ici que c'est obligatoire pour le musulman qui jeûne d'éviter le mensonge, de parler dans le dos et d'insulter. Et si quelqu'un l'insulte, hein, ou lui dit des mauvaises choses durant le temps où il jeûne, eh ben dans ce cas-là, il doit pas répondre et il doit dire je jeûne. Hein. Parce qu'il y a des gens qui sont capables facilement de, c'est-à-dire c'est facile pour eux de pas jeûner. Il y a des gens, c'est facile pour eux d'abandonner la nourriture et l'eau. C'est-à-dire ils sont capables de s'abstenir de la nourriture, ils sont capables de s'abstenir des breuvages. Hein, mais ils n'ont pas beaucoup de facilité, ou bien c'est très difficile pour eux de s'éloigner des mauvaises paroles et des mauvaises actions. Donc ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, mais ils font des mauvaises choses et ils disent des mauvaises choses. Et le cheikh il dit que certains parmi les salafs, ils disaient le plus facile des jeûnes, c'est d'abandonner la parole, le plus facile des jeûnes, c'est d'abandonner la nourriture et le breuvage. Ça c'est très facile. Mais qu'est-ce qui est difficile? C'est d'abandonner les mauvaises paroles et les mauvaises actions durant le Ramadan. Et ça fait aussi partie du jeûne. Et le cheikh il dit donc que le musulman il doit craindre Allah, il doit réfléchir et ressentir la grandeur de son créateur, de son maître, de son Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit savoir que Allah il le regarde à tout instant et il le surveille à tout instant, et donc il doit préserver son jeûne de tout ce qui peut l'annuler ou le diminuer en récompense pour que son jeûne soit valable. Après le cheikh dit وَيَنْبَغِي لِلصَّائِمْ أَنْ يَشْتَغِلَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَالْإِكْثَارِ مِنَ النَّوَافِلِ فَقَدْ كَانَ السَّلَفُ إِذَا صَامُوا جَلَسُوا فِي الْمَسَاجِدِ وَقَالُوا نَحْنُ صَوْمُنَا وَقَالُوا نَحْفَظُ صَوْمَنَا ولا نغتاب احدا. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه، وذلك لانه لا يتم التقرب الى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إلى الله بترك ما حرم عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وروي عن أبي هريرة مرفوعا الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذيه، وعن أنس ما صام من ظل يأكل لحوم الناس، فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام، فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال ليكون في عداد الصائمين حقا. Le Cheikh il termine ce chapitre en disant et il est important que le jeûneur s'occupe en se rappelant d'Allah subhanahu wa ta'ala et en récitant le Coran et en faisant le plus de bonnes actions volontaires possibles, comme les salafs, lorsqu'ils jeûnaient, ils s'assoyaient dans les mosquées et ils disaient on préserve notre jeûne et on ne parle dans le dos de personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait celui qui n'a pas abandonné le fait de dire des mauvaises paroles ou de faire des choses mauvaises, des choses haram, alors Allah n'a pas besoin de son jeûne ou n'a pas besoin qu'il abandonne ses actions. Celui qui n'a pas abandonné les mauvaises paroles et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il laisse sa nourriture et son breuvage. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Et donc, ça explique que, comme par exemple, durant le Ramadan, c'est quelque chose de mal, encore plus mal que dans les jours, dans les autres jours de l'année, de faire des péchés et de dire des mauvaises choses ou de parler dans le dos des gens. Mais il y a une chose aussi qui est importante à comprendre aussi, c'est quand, quelqu'un va mentionner les erreurs de Mubtadi' ou avertir les musulmans contre les gens de Bid'a, ça rentre pas dans les façons de, ou les sortes de, qu'est-ce qu'on appelle, de parler dans le dos des gens, et au contraire, ça fait partie des bonnes actions dans le but d'avertir les musulmans contre les erreurs et les égarements des gens de Bid'a. Dans ce cas-là, il y en a, parce qu'il y en a des fois qui mélangent les choses et qui pense que le fait qu'on soit dans le Ramadan, par exemple, on n'a plus le droit d'avertir les gens contre ces choses-là. Et non, ça c'est un autre contexte et un autre sujet. Le Cheikh dit « وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ بِتَرْكِ هَذِهِ الشَّهَوَاتِ الْمُبَاحَةِ فِي غَيْرِ حَالَةِ الصِّيَامِ إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه بكل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس. Donc, le Cheikh il dit, si tu, en fait, qu'est-ce qu'il explique, c'est ça, c'est que en temps normal, c'est interdit de dire des mensonges ou de faire de l'injustice, de transgresser contre les gens dans leur saint, dans leur bien et dans leur honneur. Donc si c'est interdit en temps normal et qu'on ne peut pas se rapprocher d'Allah sans s'écarter de ce genre de péché-là, alors c'est quelque chose qui est encore plus important lorsque quelqu'un est en train d'abandonner ou de laisser sa nourriture et son breuvage et les rapports sexuels durant le jour à cause du jeûne, eh bien c'est encore plus important pour lui d'abandonner ces péchés-là durant ce moment-là, parce qu'il est en train de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette adoration du jeûne. Donc c'est dans ce sens-là. Puis après, le cheikh il mentionne des hadiths, mais il semble indiquer que ces hadiths-là ne sont pas authentiques du fait qu'il mentionne en disant « Rouya » et quand il dit « Rouya » de cette façon-là, ça indique qu'il met un doute sur l'authenticité de ces narrations-là, et effectivement, on dirait bien que c'est des hadiths qui ne sont pas authentiques. La première qu'il rapporte selon Abu Huraira, qui dit que le jeûneur est dans une adoration tant qu'il ne parle pas contre son frère et tant qu'il ne lui nuit pas. Ça, c'est rapporté par Ad-Daylami dans Al-Musnad Al-Firdaus et par Ibn Adi dans Al-Kamil et Ibn Abi Shayba. Et il rapporte par la suite une autre narration comme ça qui dit selon Anas, celui qui a mangé la chair des gens, il n'a pas jeûné. Donc ça c'est hadith, il dit que c'est rapporté selon Anas par Ibn Abi Shayba. Donc ça encore là, il semble indiquer que ce ne sont pas des hadiths authentiques, toutefois il les mentionne uniquement pour faire comprendre le danger de parler dans le dos des gens et de mentir ou de faire des péchés durant le jeûne encore plus que d'habitude. Il dit donc le jeûneur, il laisse tomber des choses qui sont permises, comme par exemple la nourriture et l'eau. Ça c'est des choses qui sont dans la vie ordinaire, des choses permises, hein? Mais durant le jeûne, il les laisse, il les abandonne. Donc c'est encore plus important pour lui d'abandonner des choses qui ne sont pas permises pour lui en temps normal, comme par exemple de parler contre les gens dans leur dos et de faire des péchés, de dire des mauvaises paroles et des choses de ce genre. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis demain, inchallah, on continuera deux autres chapitres de ce chapitre au sujet du jeûne. Puis ça va être la conclusion du chapitre à propos du jeûne, et on continuera la semaine prochaine en commençant le chapitre qui a rapport avec le Hajj, inshallah. Donc on s'arrête ici et à demain, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.